Dobrý. OK, merci. Yes. Bon, mon qui gon écho côté là, me pense que c'était 3705 moins mute li, mais semble que c'est Job qui gon écho. Et 3703, excusez-moi, ou ka ouvre micro là encore parce que m'était mute tout. Ou ka ouvre micro là encore pour ka faire intervention. Allô? Mbase fò nou komanse nan fòt nan, paske par kont ki valè men ki te ta prezante, se tout moun fini, nou tap 3703 li pa prezante. Mwen pase lè arrive mwen men bon prezante tèt mwen, paske kan apèl moun ki la ki pa konen. Mwen ap salye nou tout ki la, tout moun ki la redze a ki pran le tan pou nou reyne otou de ide sa. Job, mba se wap ba eko wa, ou sou wap pale ou ka myo, ou fasilite lop moun yo. Donk, nan mwen se Ralph Gustav, mwen se koordinate, fondate, mwen patizan. Se Job. Job, mba myo. Mwen myo job, mwen myo job pase sa, aparaman, jè pat ap tande mwen. Donk, nou vini avèk mouvman patizan, depi fin anè 2024, nou deside, mwen mèm avèk kelke zanmi, kone sans ke mwen genye, apre an pil debat ke nou fè, nou realize ke problem Haiti a son problem sistemik liye, ou sol fason pou nou mette men an problem sa, se sistem nan pou chanje. Donk, ki vin dekouche sou koze nouvo kontra ki gen 10 pon la dan. Men nan tout 10 pon yo, se pon 1 an, koze federalizasyon an li menm ki enterese nou. Kote ke nou vle fe peyi an, e toune yon gouvernement federal pou nou an departement yo independant. Donk, filosofikman, mwen menm ki la, Wilkins, Job, Pastor Gaetan, Will Tobo sejou ke nou pawe, e nou gen plizyon lòk moun anko nan diaspora, gen lòk moun sou goup la, ki kwe filosofikman ki federalizasyon, se li menm ki solusyon ka bay decentralizasyon. Donk, nou d'akò sou sa, e nou souwete ke tout moun ki la jodi a ki ven nan reynyon, se paske ou d'akò avèk ide a ki fò la. Donk, nou d'akò, nou di men ki kote nou brale, ki jan nou brale rive la? Se ke, yo pa kon bay pouvoi, pouvoi se pran, Port-au-Prince kenbe pouvoi an otaj, yo pa pje mnonje l ban nou, se pran nou pral pran. Me ki nou pral pran lan, nou pa pral, se pa zam nou pral met de yo, e pou nou fet anko babe ki pou nou di nou pran se bout sa pou nou. Nou nou peyi ki demokratik, nan fon prosesus ki demokratik. Ki sa prosesus demokratik la? Lò nan demokrasi, le tout institisyon nan peyi a fe fayit, denye pouvoir li revyen a pepl. Donk, KEP suppose fè eleksyon, gen pwiske 6 an pa chwazi fè eleksyon, pepl la li menm ka fè eleksyon. Par ekzanp, nou di nou, se pa kesyon de federalizasyon an nouvo sistèm sa seman. Nou te ka chwazi fè eleksyon jodi an, pou mette moun nan pos ki gen aktyèlman. Men kom nou dako ke sistèm nan pa bon, men nou di nap meton lot sistèm sou piye, ki sa nan fè, nap sensibilize moun yo, eduke moun yo, fè moun yo konen ke, un, nou pa obi jere tan institisyon pou fè fayit, yo fè travay, paske, jom di nou, denye pouvoi nan demokrasi a, se nan men pepl la liye, se nan men nou liye, mwen men ou men nou tout ki la. Donk, nou pralo regroupe nou, pou nou fè moun yo vini, pou nou fè eleksyon nou, pou nan a fè eleksyon nou, nap meton lot sistem sou plas. Ki sa lot sistem nan gen adol? Ou departement du sud, ou liye ke bon gouverneur, ou liye ke bon direkte departemental ki inutil, ou al gon gouverneur. Gouverneur a, ki pral gen dwa pou gouverne, ekzekite departement tan pou son prezident. Paralèlman, ou al gon chanm legislatif, gen deux chambres, gen chambre de chambre, chambre basse, et qui pour passer loi correctement, loi entrer dans chambre basse, yo voter, li monter dans chambre haute, yo voter, li passer par gouverneur, gouverneur publier, même ça pour président. C'est pas un bagage, ça tout ça qui dans système fédéral là. Li pas et pas un paquet de bagages comme si m'ta dit qui trop nouveau vraiment. C'est parce que même ça gain au niveau national là, on prend l'implémenter au niveau local. Et puis troisième bagage qui vous fait système dans complet, ou besoin on cour justice parce que nous besoin trois pouvoirs, nous besoin pouvoir législatif qui c'est chambre basse, chambre haute qui pour passer loi dans le département, nous besoin pouvoir exécutif qui c'est et le gouverneur avec toute l'autre et monde qui travaille comme si m'ta dit j'ai un département santé, département éducation, un département et par contre quelque soit département nous décider de le faire. Donc ça bon pouvoir et exécutif en dans département et puis ou besoin pouvoir législatif. Donc département va gagner propre cour supérieure justice li qui pour régler problème justice en dans département. Donc ça son rêve, son vision que nous qu'arriver là. Mais il y a pile question qu'a poser sur les bras font petit crampé tout à l'heure m'a fini dans 2 ou 3 minutes. Grand pile question qu'a poser. Et constitution 87 là. Constitution 87 là li inutile, li pas valable. Son constitution pour moi même, nous t'as chercher depuis cette copie gain là-dedans. Nous voulons tout sur la base publique. Ça veut dire nous pas dans constitution 87 mes amis. Nous sous constitution monde qu'a gouverner pays. Nous sous constitution c'est pété. Nous sous constitution c'est sous constitution ça dit parce que au cas dans constitution 87 là, ou gain presque 1000 bagages au cas ouais. Qui te doit faire qui pas jamais fait dans le pays. Ça veut dire constitution pas respectée du tout. Donc c'est nous même en tant que peuple qui pour décider est-ce que n'a d'accord pour nous continuer pour un petit groupe mon a passé dans tête dit nous sur constitution 87 tandis que nous tout connaît une basse lui ou bien est-ce que n'a d'accord pour nous dire tout bon vrai constitution 87 là pas utile en passer de côté parce que contre une constitution les pour et voyer président aller les pour bouler le pays, les pour faire révolution. Toujours une constitution là-dedans. Tout simplement, le peuple arrive en côté de lui-même. Constitution, ça va marcher pour lui. La chambre de sa gueule là, pour y'a pas de notre constitution. C'est ça, mouvement. Et ça veut dire, pas garder ce constitution. Constitution, c'est là, l'inutile, il n'est pas bon. Ça qui fait le bon, c'est parce qu'il accepte, parce qu'il n'a donné de nous. Donc, si mon département du Sud frappe Biate, il dit, il voulait prendre l'indépendance, c'est ça qui prend le fait. Pas besoin qu'on qui constitution t'es là les au fin fait mouvement fin prend pied département va transformer na chita na écon constitution. Mais avant ba la parole à l'autre monde et mouvement indépendance son transition les 4 ans pays à 10 ans 4 ans pays à 20 ans mais nous même dans fondation partisan nous gagne une façon nous wè baga la concret qui ça n'a parlé de indépendance du Sud. Si mon nan sud vle, mon nan 18 communes ou 20 communes, bah on est passé. Des fois en discussion, jusqu'où n'y a pas fini, qu'on exactement combien communes qui gagne. Si mon nan sud frappe puis yoate, je voulais prendre indépendance, mais qui ça qu'a fait concrètement 2025-2026? Concrètement, nous qu'a fait élection nous mettez tout le monde en dans nouveau système gouvernement, en dans département, qui gouverne nous. N'a bien député magistrat député sénateur dans département commune yo a bien un magistrat yo pa bien trois membres gagot qui te konn fait là et puis a bien un conseil communal qui pour diriger menan men avec magistrat ça nous ka gagne 2025-2026 si nous voulons. Deuxième bagage que nous ka gagne nous va mener là nous fin mettre moun ça sous pied nous gagne deux taxes dans pays ça k'ap gagoté pour yo bay commune yo directement. C'est $50 qui gagne sous transfert diaspora voyer. Nous avons un document déjà que nous partagé. Chaque commune dans le département qui a recevoir $100,000 par année dans l'agence. Pour plus vite. Deuxième l'argent. 10% TCA que nous avons mis sur le téléphone, Digicel, Natcom. Et chaque fois que nous faisons recherche, libo environ $100,000 tout par année pour chaque commune. Ça veut dire. 2025-2026, si nous voulons un débattement, nous avons chaque commune $200,000 pour groupe pour magistrat avec conseil communal. Conseil communal, c'est presque même genre avec conseil nous gain dans caisse populaire, c'est presque comme ça le dire. Donc un conseil de 7 membres, un conseil de 9 membres, nous ka gain $200,000 pour nous bail communal pour faire travail pour moun yo en dans communal. Donc c'est ça mouvement. Et après ça, gain l'autre taxe, gain l'autre taxe que nous avons commencé. Parce que haïtien en soi, générationnellement, nous rentrons dans la logique de que nous pas jamais collecter taxes dans mes mounio. Mounio pas connu qui gens yo payer taxes. Mais il y a trois taxes qui sont importantes pour faire un pays. Même à venir aux États-Unis, bon Dieu béni, il y a 10 ans ici, je connais qui j'ai un système dans le marché. Pas de pays sous la tête marché sans pas de trois bagages. Il y a trois taxes. Ou une taxe sur income, taxe le monde travail et comme yo paye au chaque mois, yo taxe sur lui. Ou une taxe sur l'ou acheter bagaille, le sales tax tout sur acheter, l'état taxe sur lui. Ou une troisième taxe qui c'est taxe sur la propriété et property tax, impôt locatif. C'est trois groupes taxes ça yo, c'est yo même qui vraiment gen pays qui fait tous les droits. Par exemple, même en États-Unis, gen état qui fait tous les droits. Gen état qui choisit faire youn nada yo. Gen état qui choisit lui-même c'est deux la fait. Donc, mais au pays tant que Haïti pour nous vraiment développer, pour nous y vont côté youn taxe ça on faut collecter. C'est soit nous collecter taxe. Sou moun k'ap travay, le moun nan travay, sou touche 100,000 goud, faut que nan 100,000 goud là bon petit parti là dans engager une commune dans pour développement en fait. Sou pa vle si c'est pas dans sort travail alors ba li et mais chaque soir acheter faut ou ba un petit taxe sur lui. Gen quelques bagaille yo fait par exemple gen quelques pays qui dit bon pour faciliter moun yo manger et puis moun acheter ba pour manger pour la dans vente li pa payer taxe. Mais moun acheter moto, acheter terre, acheter tout un série de bagaille taxe. Troisième bagage là, c'est propriété, taxe sur propriété. Donc faut nous charger une taxe sur propriété. Donc et vision qui ça lié, une fois que nous fin mettre gouvernement sous pied, nous pral bataille avec Port-au-Prince pour nous prendre deux taxes à comme dire, taxe $50 là, taxe sur téléphone et nous avons discussion avec Job, avec Wilton, avec Pasteur Gaëtan tout. Si nous compte pouvoir nous en tant que peuple l'argent de la 50 là l'argent taxe que m'a dit il y a banon nous ca faire banon il pas le banon volontairement nous ca faire banon la simple raison c'est parce que dollar 50 là Western Union MoneyGram Unitransfer CAM qui dans département nous ca mettre pression sur yo gouverneur tout magistrat qui dans commune tout monde dans département yo nous ca mettre pression sur yo nous faire banon commune a bien compte yo département a bien compte li et mais nous ka di OK depuis ce bureau de transfert ça yo à partir de telle date l'argent de la 50 ça nous même déposer sous compte ou bien racheter moyen pour baité à faire même bureau yo monde dans département sud n'a cherche autre façon pour l'argent même bagay pour question téléphone yo Digicel n'a comme collecter 10% taxe sur tout monde dans département qui mettait fait calcul on chaque monde qui là fait calcul par année pour combien 4 mètres sur téléphone non ou gain 10% taxe au bail 10% taxe ça li monter dans le Port-au-Prince ça fait gagote et bien en dans département nous même nous ca mettre pression sur Digicel sur Natcom nous dit depuis nous pas bail taxe ça et bien mes amis antenne ça on a fermé on cherche l'autre compagnie nous fait venir ban nous télé ban service téléphonique parce que même compétition on pas gain le fait que Konatel qui est pays, mais si le département vient indépendant, même Konatel n'a pas besoin encore. Si on a un téléphone qui peut, si on a un sud, on commence à avoir un téléphone. C'est de chercher l'argent, chercher des droits d'équipement, et puis on a lancé un téléphone. Non. Parce que tout simplement, ça peut le dire, c'est Konatel qui fait le difficile. C'est pas un téléphone, c'est pas un lancé très facile. Donc si tu dis que tu n'as pas de technologie pour un petit peu taxe, nous fermons. Catégoriquement, mais on craint moi-même, nous, ces peuples-là, pour d'accord pour comprendre. Donc, pour finir, le nous avons commencé à mettre ce système dans ce pied, nous avons fait ce que nous c'est taxe que nous avons dit pour nous commencer à implémenter. Taxe sur travail, propriété, taxe sur propriété, taxe sur ça que nous vendons. Mais il y a une façon de faire qui est très simple. Parce que en Haïti, nous toujours fait ça. Moi-même, c'est une bagaille, c'est une pigou et reproche qui me dégaine pour ancien président Jovenel Moïse. Ou pas qu'à Haïti, on paie par exemple un gaz de 250 gouttes, ou les vend demain matin, on les vend 500 gouttes. Pas nos pays sous la terre fait comme ça. Ça, ça que vous faites, si le gaz a 250 gouttes, ou les vend 500 gouttes, eh bien, ou mettons un calendrier ou dit mon yo, chaque année, ou bien chaque 3 mois, ou bien chaque 6 mois, ou mettre 10 gouttes, ou mettre 25 gouttes sous lui. Ou bah mon yo le temps pour assimiler. Jusqu'à ce que dans 5 ans, dans 3 ans, gaz a caillé dans la prière. Donc, pour conclure à ça, m'a dit, par exemple, si nous disons charger mon yo 10% taxe sous salaire que vous faites, c'est mon yo qui touche 10 000 gouttes. Mon n'a pas qu'à négliger 10 000 gouttes pour moi. Mon n'a pas qu'à négliger l'État 1000 gouttes là-dedans. Ça, nous qu'a fait, nous qu'a implémenté en phase par phase, étape par étape. Côté que nous dit, n'a pendant 10 ans qu'a venir hein, n'a chargé mon 10% taxe sous salaire côté que année 1 dans première année hein, n'a chargé 1% si mon n'a touché 10 000 gouttes nous prend 100 gouttes mon n'a touché 100 000 gouttes nous prend 1000 gouttes parce qu'il prend 1% de lui chaque mois deuxième année nous mettons 2% tout, nous aller jusqu'à ce que nous rentrons mon dans notre et puis qu'on y a là pour nous même nous mettre contrôle sur mon cas diriger commune département pour l'agence ça va le fond bagarre en dedans département donc et cette vision ça côté que département qui a toujours indépendant c'est pas dans gaine brali avec Port-au-Prince parce que nous dit mon yo c'est mal comprendre nous même haïtiens nous mal comprendre qui fait nous penser à faire indépendance à faire fédéralisation hein, son bagarre qui difficile pour faire Port-au-Prince a toujours fonctionné. Port-au-Prince a toujours fait la gote. Pendant que le département lui-même est indépendant, là-bas avancé, oui. Parce que ce n'est pas tout petit l'argent qui vient dans le pays, à nous-mêmes, nous ne pouvons pas prendre dans le département. Fédéral, le gouvernement central, là, toujours un coup dans le même. Si nous voulons faire la gote, nous avons toujours fait la gote. Mais tout simplement, nous avons dit, pas la gote, tout petit l'argent qui vient dans le pays, là, ben nous partons là-dedans. Pour nous-mêmes, nous fait par exemple, là, on parle de taxes, $50 avec sous digital, côté COP douane, cap rentrer la douane, côté un paquet de ça veut dire fédéral, là, gouvernement central, là, toujours un COP de même pour faire gagote. Tout simplement, nous pas d'accord pour nous prendre gagote tout l'argent qui est dans le pays. L'autre bagaille, tant qu'on gagne des taxes, si nous pas fait fédéralisation, si nous pas fait décentralisation, oui. Il y a des taxes que nous ne pouvons jamais payer. Par exemple, taxes sur impôt locatif, taxes sur gain, ou payer sur caille, ou gain, ou bien on tient dans un autre pays, taxes sur les. Taxes, c'est pour faire développement dans la localité, c'est pour faire route, pour faire une série de bagages directement côté de la ville. Donc, pas de monde qui va d'accord pour un petit caille et pour rapidement, pour la payer 5000 gouttes d'impôt locatif, ou bien 2000 gouttes de valeur pour ADA. Et puis pour l'agence, c'est monter pour le prince. Tout autant de bagon système qui fait que si moun pour rapidement ça payer pour locatif là et magistrat pour rapidement ou bien et conseil cap du gouverner pour rapidement ca prendre pour fond travail pour moun pour rapidement pas jamais payer pour locatif aussi simple que ça donc c'est mouvement ça nous réunir là pour nous fonder mettre fondation en sous pied dans département on va le bail job et la parole avec pasteur Gaëtan. Et dans faire en compte ça monsieur dit que tout monde qui là mettez nom yo sous papier pour nous enregistrer organisation pas gain doute sur ça qu'a fait là encore c'est moun nous besoin pour mettre mais là-dedans pour nous faire et moi bien content nous là parce que me dit si nous ca là jodi à nous neuf si prochain rencontre nous chaque mais nous monde l'a doublé donc nous international là nous même nous gain plus que 6 membres qui ca payer parce que nous même nous constitue qui bien organisé dans le sens côté que moi paye chaque mois moi-même moi paye 90 moi gagne on l'autre en même qui paye 90 nous gagne environ presque $300 qui rentre chaque mois depuis janvier donc c'est moi-même c'est ça que moi-même m'a fait pour chercher haïtien dans diaspora pour me dire OK nous-même nous là nous pas besoin à l'Haïti pour faire changement pendant là qui ça gagne nous gagne $2,000 on garde qui j'en ka mettre $2,000 ensemble avec mon Haïti pour nous faire changement. qu'on y a là nous-mêmes structure à qui ça nous voulait faire c'est monter une structure dans le département qui pour mener le mouvement nous-mêmes dans le département avec le faible moyen que nous avons collecté n'a fait stratégie et puis nous-mêmes international là n'a dit ok à nous supporter mon saïwan dans le département du sud qui voulait faire indépendance le bon bagage qui pour faire nous dit ok combien ou même ou gagne dans monde déjà et puis nous même combien nous même nous kabao et puis moi même m'a continuer moi même will gains nous gagne l'autre monde là n'a continuer vendre mouvement en dans diaspora pour nous rentrer plus même là dedans parce que nous construit tout qui c'est son monde et qu'a juste mettre 4 crédits ou 4 débours ou payer $15 pour moi et puis nous dit ok juste ban nous $15 suivre pour nous voir qui ça va faire avec idéa c'est ouais qui j'aime gagner 1000 haïtiens 2000 haïtiens 10000 haïtiens qui d'accord entre nous bail comme ça mais you n'a bloqué ce que n'y qu'on y a là c'est parce que mon yo pas ouais rien qu'a fait sur le terrain you n'a travail que nous même qui en dans département ou rien pour nous faire c'est que depuis nous fin d'accord rentrer dans mouvement nous tout qui là depuis nous monde international là c'est dit mon nan you n'a travail ou qu'a fait mais ça qu'a fait exactement dans département une façon même mon qu'a fait pour supporter, c'est soit ou vin membre organisation au niveau international ou bien ou vin membre organisation au niveau département. Donc, mais le cas plus difficile pour moun nan vin membre au PAS qui c'est organisation partisan sud parce que pour vous et l'agence et transfert. Donc, façon plus facile là, tout monde qui là qui encourager monde qui international là rentrer dans organisation meilleur là. Donc, bon, mettez fin avec introduction et présentation. Bon, passez micro à Job ou bien Pasteur Gaëtan pour nous continuer. D'accord, merci. Bienvenue à. Depuis Citadel, et puis Arthur Mélina, bienvenue. Et merci Ralph pour Belra de Sacrofer qui éclaircit tant de personnes sur la philosophie de sacré que nous envisageons pour Kenya, c'est-à-dire Haïti, nous réfléchissons. Maintenant, l'autre monde qui se groupe là, et nous-mêmes qui là, sûrement nous sommes capables de penser à certaines interventions, certaines questions que nous sommes capables de gagner. Donc maintenant, nous laissons la parole aussi à n'importe qui de nous qui est capable de poser une question, du moins un renforcement que nous sommes capables de faire à avec proposition Silayo qui paraît très magistrale pour une nouvelle société. Merci. Yes, je me suis dit, je question, je me suis dit, mes amis, posez des questions, parce que si je ne pas poser des questions, je ne pas comprendre. Ça qu'a fait là en pile, posez des questions pour nous éclaircir l'autre monde. Ok, bonsoir. Moi, c'est Boudjou Jean-François, ingénieur agronome. Et moi, plus vos gars, même si c'est mon chabato. Bon, ça a vraiment marqué le palais de taxio. Parce que nous-mêmes, dans le sud, nous toujours disons ça que nous payons taxes, mais nous ne pouvons jamais ça taxe à l'église. Parce que c'est un pareil qui est normal, dans un pays, nous devons payer taxes, ou même nous capables de joindre ça pour des besoins. Mais en Haïti, l'État a payé nous, pas bon nous, droit ça. Comme si l'Eofin, pour un peu ça, ils ont allé ensemble avec lui, et puis ils n'ont pas voté rien, ben nous comme en regret, en retour. Mais moi, je suis dit comme ça. Je suis détaché le sud, je suis payé, moi-même, je suis très. D'accord ensemble avec l'idée. Dans la mesure où, nous-mêmes nous sommes capables de gagner une région qui est autonome et qui est capable de répondre à besoin de la population. Égal à de ce fait, nous pensons que nous pouvons mettre les mains ensemble pour nous travailler de façon positive pour appel objectif qu'il a cherché. Merci. Merci. Merci à vous. Et bon, vous remarquez que je suis là. Là, tu m'as marqué moi depuis que je suis là. C'est que le premier grand métier que mon Dieu t'a mis sur la terre, c'était l'idée de l'homme qui travaille la terre. Et puis moi, que la rencontre ça que nous faisons là, c'est parce que tout le monde est à Godot. C'est parce que tout le monde est à Godot. Pourtant, nouvelle naissance, ça, que nous avons préparé pour Haïti, hein, c'est à partir de terre-là. Et j'ai senti que c'est à Godot, c'est au cap, en tête de ma. Donc, nous sommes bien contents de ça. C'est un bon bagage. D'accord, courage. Yes, non, non, parce que d'abord, son bon bagage, le fait que c'est agronome qui l'a. Mais avant, je vais parler 48-52 parler, oui. Et on a excusé, moi, si je ne suis pas de salut, le monde qui est en présentiel. Parce que, combien de monde nous avons avec vous dans l'espace dans le moment? Ah, nous six là. Nous six. Moi, je salue tout le monde qui est en présentiel parce que je regarde les gens seulement qui sont dans WhatsApp là. Je oublie si il y a des gens qui chita dans le local là avec nous. Mes amis, merci parce que nous déplacer pour nous faire et meeting ça aujourd'hui hein. Bon bye 48 50 de table de son bagage, bon tendez là après ça n'a pas tourner, n'a pas cercle pas. Merci beaucoup à tout le monde qui se battre là. Donc c'est vrai effectivement le premier midi hein, donc on participe dans ce grand concert là. Donc comme j'aime toujours dire là avec d'abord là des monde qui a eu des moins tellement de activités là. Donc, depuis c'est pour le développement, c'est pour le bien-être de la communauté, donc moi toujours ouvert pour que moi-même participe. Donc, moi, par moi, je dépends de ce qu'on a eu, moi, c'est mon maniche, moi, c'est agronome, donc moi, habité Cambouche. Donc, monsieur Ralph, donc, m'a félicité vous du fait que vous choisissez de partager avec nous et ça que vous apprenez de l'autre pays pour que vous-même, vous regardez comment vous pouvez promouvoir un changement au niveau de la qualité de la caillou. Donc, malgré mes dérivants en retard, même senti que moi commencé édifié, senti que moi commencé satisfait, surtout l'intérêt dans la question taxe que vous avez parlé. Parce que généralement, il y a un bagage qui est toujours plus gros problème. Pour nous, c'est là où vous payez taxe, donc pour qu'on vienne bien avec service, on en a mis l'État. Et puis, on regarde, c'est même l'État, ça a parfois qu'à utiliser taxe ou utiliser pour faire intérêt personnel. Donc, je pense que question décentralisation, hein, question pouvoir fédéral, ça. Donc, je pense que c'est ça qui a permis que Haïti retrouve le sourire de développement. Donc, on a regardé que quantité d'entreprises qui ont payé taxes, quantité de bureaux de transfert qui ont payé taxes. Donc, l'agence a eu un bon côté, on va aller, on va compter ça qui est réglé. Donc, je pense que un tel mouvement pareil a permis que nous-mêmes, qui sommes dans la population, nous dit que je vais de lumière sur le dossier ça, et que nous-mêmes, nous faisons un changement avec nous parce que en développement communautaire, donc changement fait pour nous et ce qu'on fait avec nous-mêmes. Donc, monsieur, là, moi, féliciter en ville et donc pour féliciter vous qui a voulu l'homme job et choisir d'inviter dans ce grand mouvement pareil. Donc, moi, disponible pour que moi, je m'embarque le bas. Merci beaucoup. Ok, merci pour l'intervention, monsieur Nogaïus. Napsalue Jean Fanel qui rentre là, c'est un monde que moi mette sous le plan. Et Napbao a une petite chance pour présenter tête ou bien qu'il va pas reprendre ça que tu dis pour vous. Et Fanel, vous avez un micro, oui? Et même ça, vient tous les amis qui m'ont même beaucoup là déjà. Et que ça fait plaisir quand même quand même. Comment communiquer avec Raf, c'est cousin-moi qui m'a dit que. Nous, la caméra, nous avons observé, pour le moment, nous sommes observateurs. Maintenant, au moment où on continue, nous sommes capables de retrouver ensemble pour faire la route ensemble. Ok. Merci, Fafa, merci pour l'intervention. Nous pourrons passer le micro à l'autre monde qui a une question, qui a une question ou bien une suggestion qui vous fait. Mais avant même que beaucoup de monde, n'importe qui a une question, juste ouvrir le micro, mais quand même, et je vous permets de vous camper à n'importe quel moment. Avant même que je continue à dire, le mouvement philosophiquement, nous d'accord avec. Il n'y a pas de pile débat là-dedans. Même si ce n'est pas un pile débat, nous prenons pour nous faire débat. Mais ce n'est pas sous qui côté nous voulons aller dans le débat? Parce que nous d'accord que côté nous voulons aller, c'est un département indépendant. Et là, nous indépendants, il y a des gens qui mal comprennent, c'est comme si ce pays a divisé. Nous avons fait exemple ça dans une vidéo sur Facebook. Nous avons fait exemple de familles qui ont disputé. Deux familles. Une est disputée. Papa sont affiatés, maman lui-même, son femme, il va régler rien. Tout l'argent passe dans la mer, on gaspille, c'est fait business, mais l'argent est gagoté. Mais Timoun, c'est sous papa et maman, il garde pour faire tout ça. Donc, il y a un travail, il y a papa l'argent, papa gagoté. Mais si papa va mettre l'école, il va pas à l'école. Si maman va mettre l'école, papa va manger, il va pas manger. Au final, si Timoun a vivre, ou est bien crété dans la rue quelque part qui n'importe qui gens, le simple fait que la vie yo contrôlée par maman et papa yo, mais maman et papa yo pas qu'à régler pour rien pour yo, c'est toujours une famille qui unit, c'est toujours une famille. On prend le cas dans l'autre famille, on l'autre famille les mêmes, ils ont disputé toute petite yo à l'école, toute petite yo indépendant, ça docteur, ça agronome, ça médecin, ça avocat, etc. Tout à travail, yo voyage les ouvre, yo fait gen kay yo, yo régler affaire yo, jan yo voulez, yo pas besoin konn et en rien de sa frais, c'est Abdiladan parce que moun nan besoin acheter machine, ça ba frère c'est régler pour lui. Ça ba maman papa régler pour lui. Mais l'organe son famille qui toujours unie parce que le moment que maman a un problème, papa a un problème, yo gen là. Parce que yo gen moyen nan men yo, d'ailleurs yo pa tann maman papa kou ba dégoûté. Leur l'autre frère bon problème, leur c'est bon problème. Yo toujours là. Ça veut dire ou ka nous ka toujours indépendant pendant que nous toujours unis. Son mythe yo mettent en tête malheureusement en pile dans nous qui fait que si nous ta fait département indépendant c'est comme s'il va Haïti encore. Au contraire, si département indépendant, li ka responsable tête li développement ka fait. C'est là que nous avons un pays qui est fort parce que chaque département ça va fournir le pays avec activité économique, avec taxes. Parce que, il y a des choses qui nous ont dit tout à l'heure, en question de taxes. Moi-même, philosophiquement, j'ai une bonne formule que nous allons appliquer dans le département pour taxes. Son formule, nous avons dit 50-30-20 ou bien 60-15-15. Côté que, nous disons, depuis que c'est l'argent qui rentre dans le département, 50% de l'argent commune et 30% de l'argent État, l'argent département, l'argent État sud, côté de la structure État, et puis 20% de l'argent de fédéral. Nous voyons le bail Port-au-Prince, nous disons Port-au-Prince, 20 gouttes à 60 gouttes à mettre fin sur le bail. Mais commune, soi-disant, que nous n'en payons pas tant, par exemple, par contre, combien qu'on peut payer, on dit qu'on peut payer 2500 gouttes ou 5000 gouttes. Si pas t'as payé 5000 gouttes, commune supposé recevoir au moins moitié d'un combattant, ça commune côté business là hier, c'est ça taxe hein. Et tout pareil cap vendre dans le département, moto a changé mais machine a changé mais mon a payé au AVCT, son gagot total, c'est une calége non pour nous ouais non qui s'ennuie mes amis. Là, on dit ma Haïti, j'en li, on dit non. Moi-même, si tant que je fais ici, chaque fois que je me lève, je réalise. Haïti n'a pas l'autre gens que j'en li, non? Le fait que j'en système dans l'IA, il n'y a pas l'autre résultat. C'est tout bon vrai son problème de système. Parce que, mon, dans le système fédéral, là, l'argent, on a payé ou AVC, c'est ça. C'est dans le département en priorité. Parce que, en pile machine qui dans le département. Les machines de l'argent qui dans le département. C'est dans le département yo fonctionner. L'argent ça que n'a pas à côté hein. C'est l'argent qui pour régler bagaille département. Là fini au conseil de gagote qui fait dans le pays par exemple. Toujours dit ça. Mon n'a jeune l'argent achète une motocyclette 150 000 gouttes, 250 000 gouttes. Deux individus choisissent acheter moto. Et puis, moun yo pa gen assurance. L'État pa gen ti minimum l'État pour dire que okay, mes amis, soit chan moto pour 200 000 gouttes, l'été mette 500 gouttes, 200 gouttes pour qu'on paye en assurance pour assurer moto chaque année, chaque mois. Et puis, moun nan le frappe, quand y'a la pied sa kase, sa li même brel kase, quand y'a la atterri dans l'hôpital général pour l'État prendre soin. qui vient faire que on paquet monde qui prend toutes ses ressources l'hôpital là, le fait que pas de bon petit minimum l'état te ca exiger ou dire OK, mes amis sous bon moto ou acheter le temps ça, faut qu'a payer assurance, les bon bagage qui veut faut bon assurance qui. Mais nous on va y mélanger ou avec cette séparation li en réalité. Nous faire comme assurance, nous faire comme registration, li vin pour nous mélimelo. Mais en réalité, pas de mon Haïti, tout mon Haïti bon moto, solution qui c'est. C'est depuis mon acheté moto, c'est faire l'enregistrement chaque année mon paye encore boulé. Et puis chaque mois mon paye assurance moto qui fait que le mon le mon fait accident et ça, mais ça yo pas ka fait au niveau dans système nous là. C'est seulement allez, ma ba oui. Oui. Et nous disons bienvenue à Idavash, à nos principes qui là. Et vous présentez Idavash. Nous disons bienvenue à nous. Et c'est vrai que moi-même, et je nous réunis là, nous réunis très facile. Ni mon qui sont groupe là, ni mon qui est présentiel, nous réunis facile. Mais c'est pas une bataille qui peut être facile. Yeah. Parce que nous avons essayé de nous colons pour nous faire face avec nous. Parce que Haïti va rentrer 10% taxes dans l'année. Haïti va rentrer 10% taxes. Et une République fédérale, c'est taxes qui fait vivre. Yeah. C'est avec taxes qui fonctionne. Lorsque nous avons coûté Bologna, nous avons un bleu, nous avons toute activité là fait, là, notre l'argent, l'énergie, par exemple, l'hygiène là, et que l'hygiène est hôtel, l'hygiène ceci, l'hygiène cela. Et puis, l'organe de l'hôtel, même nous coûte de l'argent comme taxe par an. Et puis voilà que vous pouvez proposer une activité fédérale, côté que l'on connaît que vous pouvez exiger une taxe là. C'est bon bagage qui va le faire. Nous avons des machines qui coulent, et que les machines consacrent les assurances. Motocyclette qui n'a jamais assuré, pas jamais une plaque. Et que voilà que nous-mêmes, nous avons exigé la folie assurée moto. Et puis, il faut une plaque moto. C'est pas un bagage qui va être facile. Nous avons un exemple dans la taxe que nous avons pris, une taxe pour l'union. Par exemple, si on est à Ilavache, à mon place, là, là, attendez-moi. À Ilavache, tu as un petit hôtel dans le département sud-là. Qui t'a dit, bon, peut-être on va connaître ça. Et mais laissez-moi dire que toute taxe pour Morgan, c'est Gisèle Malade. Taxe pour Morgan, c'est dans la commune, dans la mairie tellement que bien. Tandis que, ou bien il y a la vache qui besoin de développer, ou bien la commune de Caille qui tout belle là, c'est le sud, Cavaillon, et qui tout belle, et pourtant, c'est tellement taxe pour Morgan, c'est qu'on a dit. Donc, maintenant, nous venons comprendre que nous venons lancer un bagage comme ça. Nous ne parlons pas contre nous. Nous disons que nous sommes rien dans la bataille. Nous n'avons pas plus grand joueur en face de nous. Il y a nous-mêmes qui sommes tombés, il y a nous qui sommes accusés de ceci, de cela. Il y a un bon bagage qui est pour faire. Donc, et pourtant, je crois que c'est possible. Lorsque vous-même avec moi, pardon, nous faisons sensibilisation, nous connaissons comment pour nous avancer, rencontrer les grands messieurs, nous sommes capables de râler, et nous sommes capables de nécessiter que, après 225 ans, 221 ans, que nous sommes indépendants, maintenant État de nous, maintenant nous essayons notre système de gouvernance. C'est possible. Et ainsi. Merci pour l'intervention, Pasteur Gaëtan. Qui l'autre monde qui prend la parole? Nous t'arrêtons, mais tentez l'idée. Non, nous d'accord, c'est un gros fight. Nous d'accord, c'est un gros combat. Ce n'est pas facile. Mais il y a une bagaille qui gagne pour nous faire. Le n'a pour des mouvements. Ça. C'est malheureux. Wilkins, je passe au micro. Bonjour, Wilkins. Bonjour. Oui, bonjour, François. Bonjour, salut tout le monde. Saluer et courage et à bonhomme Job et Pasteur Gaëtan, de manière spéciale, qui eux-mêmes et au niveau national fait tout ça de pandéo. Et honnêtement, M. Fomme dit nous ça, deux, trois ans de ça, il n'y a plus de difficultés que je me dire ça dès le début. C'était joindre des mondes là que je commence une activité pour que moi te, pour que je fasse finish, pour que je assure continuité. Mon cher, des fois expérience déjà avec Job, ça a apporté du fruit. Et je dis à, donc je vais faire encore, je pense que, j'ai que toujours dit, c'est modèle haïtien, ça n'a aucun besoin. Maintenant, et chapeau pour Ralph, je pense que, et je dis à la cause de Nouvelle Haïti Valley qu'on a parlé à. Donc ça, il montre à clair que ce n'est pas menti. Donc, bah, on a qui contexte, monsieur, te dit, comment le prendre jusqu'à présent, mais je pense que causer pour une nouvelle Haïti, causer pour une nouvelle société, je pense que nous avons joué dans un nouveau contrat, je pense que nous avons joué avec la fondation en causer partisan, et pas gagner, et aucun pays sous la terre qui est capable de développer, Jean Haïti a fait là. Et je pense que débat ça aujourd'hui, discussion ça aujourd'hui, ti causer ça aujourd'hui, ti bat bouche n'a fait entre nous là, si t'attendais ça. Je pense que li extrêmement important, li extrêmement important à tel point que aujourd'hui en ken nèg pa vinn sorti pour yo di non mon cher pas fatigué. Et m'apprécie intervention et camarade avant et agronome nos gars en chéril pour le dire mon cher. Ou mettre fait ça au fait, donc ou pas qu'il y en a qu'un service en retour, malgré l'état mandé, sous bon lit d'entreprise, faut qu'on aille dans la direction départementale, ministère commerce, pour aller faire un pré-enregistrement, il y a bon papier, en attendant, il y a gardé qui ça a fait au niveau national, c'est-à-dire Port-au-Prince, c'est non, ça n'a pas existé déjà, maintenant c'est le pas qu'il existé. Mais que ça process là et pour venir gagner entreprise là, nous disons l'offre créer entreprise là maintenant, nous pas besoin qu'on ait maintenant de pour gagner activité pour assurer 10 dates, il faudrait que le groupe partant pour faire partant là, catastrophe naturelle, des désordres politiques, business mon camp ou bien les chabandés, ou pas venir en arrive. Ça, c'est des exemples clairs pour que moi montre effectivement à Gounom Nougaïus. Mais la situation qui nous est là, effectivement, il y a raison. Maintenant, l'autre aspect qui fondamentalement va laisser égaler avec nous, et Ralph te fait pour exemple parent qui vient dispiter là, moi-même, mal plus loin pour me dire que je dis à les bagailles que nous avons fait. Même Jean et Ralph dit son mythe qui mettait dans la tête. Effectivement, c'est ça. Combien de nous on le n'a pas chita déplacer, quitter la caille nous, quitter des activités que nous avons fait, arrêter de nos téléphones pour nous tendre une série de jeunes au niveau international ou bien dans pays étrangers que nous voulons tendre là. Chita, pour ton idée, à expliquer nous, essayer de montrer nous pas A plus B, mais qui sa problème n'a yé, mais qui j'en bagala et pas bon ici, mais qui j'en lié pas bon la caille, mais qui sa ta doué fait pour que nous sortir avec un élément de solution. Konnen nou gay sa ap fè anpil efòr, ou fin fè 5 ane fakulte, retounen mani, chita avèk de sutu organizasyonèl de baz, e jodi a montre ke efektivman l kapab. E Ralph, m'ap di sa jodi a, m'ap di sa avèk tout moun kap tande la. Tout sa wè n ap fè la, se realite. Pa gen sèl mwayen pou chanje peyi a otri avèk la jènes. Rezon ansèn, tout jeune a travaillé pour un seul bagage qui est l'éloange. Monsieur, ma qu'est-ce que ça me dit là, monsieur, dame? Tout jeune a travaillé, il a travaillé pour un bagage qui est l'éloange. En dit aujourd'hui, l'État dit, eh bien, monsieur, ma mettez un bel service de contrôle, la douane. Tout jeune qui l'a qui en dit, yo, qui a tourné la caille, qui a voyé bagage, et puis, il n'y a pas de taxe ou trop haut pour contribuer dans le développement communautaire. Vous pensez nous avons lancé un projet qui c'est en protéger ressources terre pour nous faire plein dans bourgeonner. Vous pensez que nous avons lancé sa maniche. C'est un plus gros loin juin et nous gars ça bien Se yon nan pi goul mwen ki lap gen sa ma koleg li venel, lè sa yon pap chèche fè la jan nou, men ap goul men pou lè reyoussi, e pi lè tel responsable struktur, lè tel struktur organize, ap fè tel fèt ou bi ap fè tel aktivite, e pi pou yon di, mon chèr, tel program mwen te fè tel jardin, tel program te jwen tel prodwi, tel projè te jwen kabri, tel projè te jwen bèf, tel projè te jwen akompanyman pou ti bizis mwen. Mon chèr, se agonom nou gayus ki te an tèt projè a, men kote fiyete liye. Nou kon sa fè sa? Se paske li fèk soti nan fakulte, li gò sel bagay nan tèt li, se fè pale de li. Jodi a, ansanm moun kap dirije yo la, lè sa pase pou yo. Tout fòs yo, tout angouman yo, se fè l'ajan, fè l'ajan, fè l'ajan, se vole, vole, vole. Maintenant, le fait que nous-mêmes, nous avons l'autre réalité, nous avons l'autre compréhension de bagaille, parce que nous disons, si je dis à nous avons 20, nous avons 30 ans, nous avons 40, 50 ans, eh bien, il faut nous préparer l'an qui vient. Maintenant, préparer l'an qui vient pour la jeunesse de nos jours, ce n'est pas voler, mais c'est faire des bagailles pour que nous fait ou bien yo créer ça nous les crédibilité qui pour faire l'honneur yo. Pense que et je dis à rencontre ça n'est pas seulement un premier un dernier gens qui me te dit dès le début m'a pour prendre pour monde qui fait rentrer yo mais c'est une rencontre pour que nous essayer garder possibilité qui gagne bon côté chaque grain dans nous. Et j'ai toujours dit, chaque grain nous qui là, c'est un partisan. Nous, c'est un bon partisan. J'ai toujours dit, partisan pour partisan, c'est haïtien qui partisan Haïti. Maintenant, l'organ partisan comme nos gars, ils sont dans ma niche, comme sur l'organ partisan total, ou un disciple qui va former l'autre disciple, qui va dire, eh, mon cher, je vais arranger pour mettre un sous-comité partisan dans ma niche. Eh bien, si c'est dans la ville là, nous gars, ici, les gens, m'bral traverser rivière là, m'bral melon, m'bral dori, m'bral dasma, mon chef, faut qu'on arrange pour que moi mette partisan tout côté. L'organe, ou un agronome, par exemple, qui est plein de temps de là, qui saute Saint-Jean, il va faire même bagaille là. L'organe non sans qui pour saler, il va faire même bagaille là. Je pense que, je dis à, poser partisan ça, qui a parlé là, m'a pas fini pour me battre, pour me battre, l'autre avancer. Je pense que c'est occasion et opportun pour que moi-même avec vous, nous faire un hall de face pour nous dire Haïti besoin de chance. Alright, merci beaucoup. Oui, c'est un bon appel coupeau, non? D'abord, juste faire un petit avancé à mon qui Saint-Jean. Je crois que c'est 47-20, pas songer non. Est-ce que quelqu'un dit moi non? Parce que je n'ai pas enregistré non, yo. 47-20, est-ce que quelqu'un dit nous non? Est-ce que c'est vous-même qui sortit Saint-Jean? Oui, l'unique que c'est. Ok, l'unique. Yes. Et d'abord, faire un petit avancé tout petit sous Saint-Jean. Et, gagnez un autre bagage non qu'a fait. Pendant qu'on a parlé de fédéralisation, hein, qui paraît un bagage qui est difficile, qui paraît un gros combat, je me dis non, hein, c'est pas un combat qu'obligé et 100%, comme si nous avons là, c'est département et puis c'est coupé dans le coupé pour le prince. Bon, bah, nous avons fait pour Saint-Jean, pour Okaï, pour commune dans le département qui a ressources. Par exemple, commune Saint-Jean me dit ça. Si mon Saint-Jean vraiment les bénéficiaires du corps là qui fait. Ou façon qui simple. Oui? Façon qui simple, c'est pour mon Saint-Jean. Frapper pied ou à terre. Pour faire que chaque bateau qui entre Saint-Jean, nous pas besoin de combien de corps l'État prend dans mes bateaux. Le port, l'État. Mais Saint-Jean dit que même depuis le bateau a venu. Pour accrocher là, il faut avoir 10 000 gouttes, il faut avoir 50 000 gouttes, il faut avoir 100 000 gouttes, il faut avoir. Je ne connais pas. Je dis ça pour les chiffres. Ou bien, c'est soit vous faites sous bateau, ou bien Saint-Jean dit lui-même, depuis son compte des mecs descend, ou bien son machine qui descend, lui-même, il va faire ce qu'on ça, pour le régler avec DGI, détail, par bail comme ça. Depuis mon compte des mecs descend, lui-même, il a 20 000 gouttes, il a 50 000 gouttes, ou bien il a 10 000 gouttes, ou bien il a 5 000 gouttes. Je me dis, non, ces chiffres, je vais vous monter. Ça veut dire, même bagaille la pour Okaï, aucun gain organisation gain porte qui lance. C'est très intéressant. Moi même ça d'une idée que j'ai dans tête. C'est vrai que j'aime des nous des lancer airline pour faire vol rentrer au CAI. Mais 20 avions mettent atterri au CAI chaque jour. Au CAI pas bénéficier rien. Il n'a pas gagné qu'un café avec fédéralisation avec ça n'a pas lié là. Le moment que nous mettons un nouveau système au CAI. Au CAI nous va tout simplement dire chaque avion qui descend là, chaque ticket, il y a 5 dollars. Après ça, il n'y a pas besoin de l'autre et taxe que l'État ici va collecter. Ça ne va pas garder nous dans le CAI. Tout simplement nous dit, de bon monde descend dans l'aéroport ça là. C'est nos avions qui descendent là, ou bien ni descendent ni aller, nous avons décidé. Combien de 5 dollars. Imaginons un avion international qui a atterri avec 200 personnes, avec 100 personnes. Côté que communauté qui a fait 5 dollars sur lui, c'est un gros bagage qui a réalisé. Mais si nous ne nous pas connaissons en tant que jeunes, qui est possible? Et le cas, ça va dire non là. Le cas a fait, parce que ce qui va passer, c'est un ticket d'avion pour monter de 5 dollars dans cette nuit. Il va changer rien, il va changer rien. Il va acheter un ticket d'avion pour aller n'importe côté. Ce ticket a été vendu 500 dollars. Même si demain, si je vais m'acheter qu'il vend 600 dollars, ça va pas passer, m'acheter lui. C'est parce que c'est ça que nous ne connaissons pas en tant que jeunes, en tant que monde qui vivent, qui fait que nous d'accord avec les jeunes à vivre là. Mais les 5 au cas où nous avons dit tout avion qui vient là, chaque mois nous avons 10 dollars dans la tête. Et puis chaque mois, Airlines a eu aller à l'un compte au cas déposer le cobla et puis tout le monde qui a avec technologie. Même il n'y a pas avec l'été pour lui, c'est avec technologie qui gagne. Par contre, l'argent brassé dans la commune, dans le département, que nous pas qu'à mettre sur internet pour tout le monde à regarder pour tout le monde. Si il y a deux airlines qui fonctionnent dans le département, et bien si au cas dit même chaque monde qui descend par 5 dollars, et bien nous comme qui va les vols qui descend, comme nous avons mis des gens dans n'importe là pour qui va les monde qui rentre, son va qui sent. Depuis mon descend avion, on est dans l'avion, on descend. Et bien au contrôle les jours d'hier là, il y a trois vols qui fait, il y a 200 monde qui descend. Et bien au cas il y a 1000 dollars pour nous demain c'est même pas la fête. Pour moi là, comme nous avons fait 30, 40, 50 000 dollars américains n'importe là. Si nous connaissons que ça est possible, qu'on a comme ça, et mais ce qu'a fait, comme je dis, c'est un petit chiffre que je vais vous donner. Parce que si un département fonctionne tout bon, oui, les juillet, les fêtes champêtres, haïtiens, vous rentrez 10 vols par jour. C'est une blague. 10 vols à 150, 250, c'est une blague. Si au cas, même bagaille pour ces gens, les poids ont fonctionné tout bon, oui, vous avez un bateau, vous avez. Eh bien, ces gens chargés. 20 000 gouttes par container ou 15 000 gouttes par container. On va tout cabine à 200 containers, 300 containers. Tout ça veut dire, m'a montré nous que, mais ça possible, côté que, ça m'a dit non là, l'État ici a toujours pris un taxi, le fédéral a toujours pris. Gagotte là a toujours fait au niveau fédéral, oui. Mais au moins, département, commune, a besoin de bagages là-dedans. Mais ça pour faire, mes amis, c'est nous pour qu'on aime. Bonne bye la parole dans l'autre monde. Et nous allons mettre une question tout le monde. Je vais passer mes coins. Je n'ai pas eu l'occasion de porter vous, mais il y a un espace pour vous saluer. Et l'autre monde qui peut vous saluer, je vous présente aussi. Merci. Bonsoir tout le monde. Nous parlons de l'équipe ensemble. Et moi avec vous, et nous vous saluer. Et je veux vraiment apprécier l'initiative. Et monsieur certain, nous avons besoin de l'arrivée. D'accord, merci. Bonsoir tout le monde. Alors, moi, je suis content de vous montrer malgré en retard, mais. Moi, je suis content d'entendre l'intervention. Moi, c'est la population depuis la vache, invité par. Pasteur Galita, Gilbert. Et aussi, monsieur, moi, je vais mensonger, mais comme dit ça, la fin d'Aouet. Alors, moi, je suis content pour moi ensemble avec nous sur Google. Par contre, si nous t'avons des mots, parce que. N'attendez. Tout le monde est pour faciliter. Je vais parler. Moi, je suis content. Et moi, j'espère, nous-mêmes qui avons une chance là, dans ton présentiel là, et. Si là, nous qui avons un compte présentiel là, nous qui avons une chance là, nous avons toujours fait comme ça. Mais moi, nous avons toujours aimé comme si pour nous faire un compte présentiel, encore même si ce n'est pas pour nous. Pour nous capables de discuter plus. Et moi, étant que leader pour la vache, je pense que moi capable de cohabiter ensemble avec quelques citoyens honnêtes que moi connais, pour nous capables de faciliter ça que nous discutons là, pour nous capables de faire plus de débats sur nous, qu'on s'en passe des têtes et des esprits, des têtes et des esprits, qu'on s'en passe sur ce qu'on a dans l'esprit de nos amis de l'Indien. Parce que moi, bien comprendre que ça n'a fait là, n'est pas ici, même si parce que j'ai dit là, son bagage qui vient dans mon lade, ça que je dis là, moi, avant, c'est parce que pour venir avec bagage ça, son bagage qui. Qui est extraordinaire pour venir ensemble avec lui, et c'est si le Walvingo pour venir avec Jean de Bagage, pour gagner différents types de proposés, tel que politicien, tel que même moule qui fait partie des masses là, tout. Moi, je connais l'intention. Nous venons là, nous même faisons un plan, pour nous capables de battre avec le mouvement. C'est un mouvement qui a seulement les poumons nous faire résonner et sonner dans la rue, mais son mouvement pour nous connaître. Et qu'on dit tactique pour nous utiliser, pour nous capables de vivre avec elle et pour nous capables de fuir. Raison pour laquelle moi-même, le constat dit, fait un petit rallye pour moi. Je ne sais pas si je vais commencer à discuter, mais ça peut-être mon vie d'aller après. Et ça fait comprendre que nous sommes déterminés pour nous recommander, nous sommes capables de nous aider à Haïti. Mais moi-même, conseil, moi tout, moi non, c'est à nous garder comment nous sommes en plan. Il y a un plan A et un plan B. Si peut-être nous utilisons le plan A, nous remarquons comme si capable de faire plus d'argent pour nous capables d'utiliser le plan B. Nous-mêmes étant que initiateur, c'est la plan, ça me dit en charge pour nous commencer à faire plan A. Ma continue de satisfaire comme ça. Si peut-être qu'il y a un ballon que nous avons capable d'ajouter. Et après que nous avons fait un balai, moi-même, je vais peut-être faire un ajout encore ou bien. Si moi j'ai une question encore, m'a posé une question par rapport avec mon autre monde qui est capable d'intervenir. Merci. Merci Amos, merci Davache. Maintenant, nous avons M. Nelson et que j'ai une intervention par Nelson. Bonsoir tout le monde. Je parle de Nelson Jocelyn depuis Cap-Péry. C'est bien dommage, on t'a fait toute ça, tu n'es pas le moins pour me présent. Elle rencontre la main à la dernière minute et l'un a mis trop peu sur le téléphone parce que depuis qu'elle a changé le téléphone, moi, il n'a pas changé l'été même là. C'est bien dommage qu'on y a là où il est environ 4 heures, sûrement les 3 heures sur le téléphone. Et moi, j'ai une invitation par agronome Job et lorsque je me demandais de dévoyer. Document pour moi après lecture de film faire document pointé ouais et une initiative comme ça moi pas capable faire partie des lits et surtout moi fait partie des organisations qui c'est en fait tu as au niveau international qui c'est moi qui préside votre là on dit si là nous allons aller vers initiative ça ici ça moi même qui m'a projeté c'est même ça toujours bien. Depuis des temps et des temps, on dit waouh, et il faut qu'on fasse la route ensemble avec nous. Et l'idée est vraiment bonne, l'esprit quand même, et nous allons chercher pour nous sortir, pour nous capables de continuer à aller vers l'avant. Et il y en a pas un temps dit, génération ça qui m'a gardé qui se groupe là, et c'est nous-mêmes qui pouvons mettre maintenant battre là, parce que. Et pour pas aller trop loin, génération avant 80 ans, c'est vous-même qui mettez nous dans sa vie là, parce que vous voulez ou pas. Depuis 40 ans, c'est vous-même cap X, cap Y. Et bon, c'est moment qui vit cloche la sonné. Et si bon, c'est nous qui premier présent et sous cette nom, pour nous capables d'aller vers l'avant avec l'idée. Bon, on l'a, nous sommes plateau. Hein. C'est bien dommage de ne pas commencer depuis auparavant, l'esprit quand même. Et mon secrétaire, bien ma connaître, qui a pris notre réunion et qui a partagé sa tédio. Et puis suite avec ça, ma écouté de commencer. Et puis s'il y a des points, ma vie avec vous. Et non, l'autre rencontre. Merci déjà. Ouais, merci pour l'intervention. Tout le monde qui a raté la rencontre là, par qui était nous parce que moi enregistré. M'a pas enregistré, moi record la rencontre là pour nous en voir. Et l'homme fini m'a publié lien pour nous, nous ka attendre. E donk, mpap voye lan voye sou goup la pou lka pi fasil. Mpap mette sou YouTube. E pi mpap mette lyen an pou nou nou katande l. Paske si mvoye son voice lap tou lou. Men mpap enregistre. Tout gen kont mpap enregistre, nap gen chans pou nan altande l moun ki pat la nan komansman. Job, nap tou pa sou mikou. Mpense se mouman ou men pou mette e mda di fokus sou objektif nan kont nan pou jodi ya. Ki se mette strukti organizasyon sou pye. Mwen se se bon mouman pou tout la mi kowa pou nou avanse ak sa pou nou e ki jan bal mette fin pou jodi. Mersi Yann. Alors, nou felicite tout moun ki fè yon sakrifis pou peyi ya e pou debatman an patikine. Kote ke yon te repon brisan nan premye renkont ke nou te gen pou pati Zaidi nan sud. E sa ki gen pou nou fè kom me zami la vache la Amos, se dil, se strateji ke nou apete sou pye pou ke nou blan li kapab pou nan tout debatman, nan tout seksyon nominal. E premye pouen nou gen pou nou fè apè an kon sa, se da legalizasyon strituya. Sa ve di, legalman, pou ki pou detan nan debatman avan ki nou fè aktivite nou kon fè yo. On pense semen sa, se denye semen pou nou kapab fini ak sa, e nou gen pou nou bataye sou koubla sa vin fè deja, e pi nou gen pou nou mette komite kominal yo sou biye, komite seksyon kominal yo, e pi a la fin, avek moun sa on ap konstituye komite debatmental la. Men pou le mouman, li important pou nou gen yon komite de pilotaj, e ki kapab komanse demaj sa yo, e pi nan pochè asamble nou gen pou nou gen yo, e pou nou ka mette, pou nou ka prezante komite debatmental la. Mwen pense sa ekstremman important, disi avril, nou ta suppose, deuxième semaine avril, nou ta suppose a prezante komite debatmental la. Sa ve di, nou suppose travay, pou nou kapab renkontre plus moun nan seksyon komunal yo, nan komun yo, e pi pou nou kapab travay sa. Men pou semen sa, nou konen se legalizasyon an. E pi, misyon nou, se travay pou Ayiti vin yon etat federal, spesyalman debatman sil. E pi nou gen pizye objektif tou, se fè promosyon posib la vin yon gran moun jet pi. Se pa indépendant, men se yon donon, piske nou ka itilize yon pati nan taksan pa bou etou. Port-au-Prince, ankouraje tout aktivite ka pèmèt l'ajan sipil nan debatman. Sa se yon objektif nou, spesifikman. Fè formasyon sou edikasyon sivik pou populasyon an. Fè formasyon ka pèmèt moun yo proteje environman e pi renforse sekte agrikol la. Travay pou gen inyon nan populasyon an, pwiske sa li ekstremman important nou gen populasyon ki inez li. E chak nou li yon tout an gen vou men konti koubla ka pou nan pou nan plok. Sa se pou emize mou travay ke nou gen, se mette pet nou ansam pou nou kapab de dirije debatman. E nan fè formasyon tou, e pi pataje informasyon sou savoir vivre, savoir faire, etc. Tout sa se ap fè pati, ap gen selou pou jere sa yo. E pi nou dwe dekouvri potansyalite chak komin. Sa se bagye important, si nou balan pe la sistem federal la, fòk nou konen chak komin yo ki sa yo ka fè. Donk e important pou chak moun e ki... Kom nou gen Amos, nou gen Nosan, nou gen Limit, nou gen Francisco, chak moun ki gen Kampere, nou gen Nelson, Jameson, sa vle di, yo gen pou mwen yon komite nan chak komijo, nou pou nou fèli nan pase par seksyon kominal. Si gen gran katye tou, gen gran katye, fòk yon komite nan gran katye. Donc, je pense que c'est en gros c'est ça. C'est ça que nous faire. Et puis, d'attendre nos poursuivis, puisque nous avons numéro 6 ou bien 10 pour nous partager avec nous. Mon qui a fait partie, mon qui a fait partie, mon d'appel. Je pense que c'est extrêmement important pour nous faire ça. Plus tard demain, mardi ou mercredi pour nous être en calte suivi de Gaïon. Et l'enquête pour ce qu'on intervention, par contre, les pasteurs Gaïon, si vous voulez encore une seconde, on a quelques informations à partager avec vous. D'abord, merci à mon homme. Moi, je crois que c'est le début, c'est un bon commencement déjà. Mais dans les Amos et la vache, ce n'est pas des de stratégie. Et également, le plan que nous avons, c'est que c'est établi des petits comités dans la section communale, dans la commune. Nous avons pu gagner au comité départemental. Bien avant, nous devons passer à un comité pilote pour régler des affaires courantes, des affaires et c'est-à-dire légalisation des routes. Cependant, la stratégie autour, vous pensez, c'est implication communautaire. Chaque secteur. Je dis à la là, nous, c'est à faire nous. Mais comment atteindre chaque secteur dans la communauté? Je pense que dans les jours à venir, lorsque nous gagnons toute identification légalement, il est possible pour nous capables de réunir avec l'université. Aller à l'UPSAC, par exemple, nous dit que nous avons rencontré avec la faculté de droit. Ou bien si c'est tout ensemble, nous avons réuni dans l'auditorium, les étudiants d'éducation, ça administrative, et que nous connaissons nos bonnes marchandises-là par l'université. Également, nous sommes capables de réunir avec tout avocat qui est dans la communauté. Et que soit que c'est dans l'hôtel que nous louons, soit la Clinton, avec les Azaïens, réunis dans une grande salle de conférence, et que avec tous les avocats, et que nous vendons nos marchandises là. Nous sommes capables de dire que c'est le secteur médical là que nous avons. Et que nous avons médecins. Nous sommes capables de tout, nous avons commerçants. N'a pas commercial, n'a pas chaque secteur enseignant et autres, que nous seulement, ou que nous légal, nous avons des droits de communication, et que nous sommes capables de lancer sur les réseaux sociaux à travers des spots, et que écrire des lettres, et nous voulons, tel secteur, n'a pas besoin de telle conférence, et que nous tout présentons un agenda, mais qui ça que nous allons parler. Et puis comme ça, nous voulons nous faire une marchandise là-bas, tout secteur qui est dans la communauté, et puis pour nous capables de gagner. Parfois même les élus, nous devons dire que quoi que nous n'avons pas ça là, ça c'est pas bien. Et puis tout, c'est nomination, c'est conseil à gérer. Mais quand même, nous sommes capables de réunir avec les politiciens. Nous sommes réunis avec les politiciens, mais nous disons que. Et bien, une nouvelle idée, comment que nous pouvons. Moi, parlé ça déjà avec certains hommes de la politique dans la communauté. Mais bon, il y a de citoyen de Rochabato aussi, et qui c'est un Kazakh, dans la section de Rochabato. Et nous sommes bien contents que nous avec nous, pendant que nous avons parlé de stratégie, notamment dit à Kader, et bien notamment de Mouani, pour les saluer, et bonne salope, dans les voilà. Merci. Comme Pasteur a dit déjà, c'est cadet Jean-Dieu le fait. Et il a déjà parlé déjà de des politiciens peut-être qui pas élu. Moi-même, m'a dit Kazakh est élu. Nous cap vendre marchandise à Kazakh parce que d'autant que il y a beaucoup fait élection pour remplacer eux, c'est eux même qui élu dans zone Nakayo. Et puis le plus souvent, ils mettent magistrats ou intérimaires, même beaucoup de gens mettent des Kazakh intérimaires. Et ça nous a discuté là, je pense que l'idée, il y a une zone qui est la plus importante pour lui, c'est la section communale. Parce que la section communale, c'est le côté qui puisse maltraiter, c'est le côté qui puisse mépriser, c'est le côté que je ne pas ouais. pense que si élus locaux ont voulu participer dans ça nous t'a aimé ça nous voulait et je pense que c'est une réussite pour nous. Et bon, moi-même, le problème signal que je me bats présent depuis les rencontres qui ont commencé. Et je salue nous. Un gros bonsoir pour nous. D'accord, merci. Merci, je fais cadet. C'est un plaisir pour nous que vous l'avez mis en nous. Et nous connaissons vos idées de développement de la communauté. Nous allons aider en pile à l'évolution, nouvelle idée politique ça pendant la communauté. Merci, welcome. Ok. Nous devons faire intervention parce que je pense que l'Ibra le fait l'heure pour nous mettre fin. Parce que nous pas de faire rencontre trop longue. Et puis il faut nous faire au plus focus. Je dis à son premier rencontre, il était bon que nous passions sur tout point. Mais objectif rencontre, je dis hein, vraiment vrai, c'est pour nous jeunes membres, fondateurs, organisations en dans le département. Que j'ai partagé là avec nous, nous avons besoin de numéro SIN avec numéro NIF Mounio pour nous enregistrer l'organisation. Et parce que, parce que Gaëtan, il t'a bon sou pour parler sous ta mieux tête tout. Pour nous plus facile. Parce que structure organisation, c'est que fondation partisan Haïti est enregistrée dans l'international là, qui c'est dans les États-Unis. Et nous avons motivé les gens dans la diaspora pour venir même pour mettre l'argent ensemble. Parce que nous disons, son bagage qui est simple, développement pas qu'on fait gratis, il faut que bon monde qui choisit payer développement. Moi-même, je choisis. Et puis bon Dieu, bon moi une possibilité. Je paye caille, je paye machine, je mange. Et puis c'est reste qu'on m'a hérité. Je suis parti là-dedans, dédié pour me mettre dans le mouvement. Ça. C'est ça que nous avons cherché tout le monde dans le pays pour nous dire pour faire. Mon ici, haïtien dans la diaspora, New York, Brooklyn, Miami, même Florida, je rencontre un peu le monde. Nous faisons nous comprendre que l'avocat a toujours fonctionné. Ou a toujours été un petit parti dans son gain pour nous faire un bagage à Haïti. Donc, qu'on a qui ça nous besoin faire, nous besoin monter structure organisation dans le département. Côté que nous gagnons 25 monde, 30 monde, 50 monde qui membre organisation hein, pour nous pral mettre stratégie. Parce que pour moi même pas quoi qu'on a là pour penser à stratégie à qu'on a. Parce que ça nous besoin structure, nous besoin membre qui d'accord, n'a pas président, n'a pas vice-président, pas connait titre. Après ça, nous avons des comités, nous avons gagné. Nous avons appliqué un système parce que nous avons parlé avec Job. Système qui a pu faire sens, c'est presque le même type de gouvernement. Et la caisse populaire a adopté quand nous avons un comité de 9 personnes. Et puis, nous avons un gros comité et puis un sous-comité qui peut gérer une série de choses. Pour moi, même, le plus gros focus pour moi qui a venu, pour 2 mois qui a venu, c'est construire une base d'organisation. Parce que n'a pas gardé qui côté nous voulait aller, côté nous voulait aller, elle paraît difficile. Pour la simple raison, c'est parce que nous n'avons pas monde avec nous, n'avons pas assez bras avec nous pour mener nous côté nous aller. Donc, travail nous avons pour nous faire qu'on a. Si nous avons besoin de 25 monde pour enregistrer l'organisation, nous n'avons pas pour nous prendre un appel là ou bien pas qu'on pour nous, est-ce que nous avons tous 25 monde nous besoin là pour enregistrer l'organisation? Ok, si nous avons des gens, nous avons des filles, nous avons des nous passons quoi sur ça? Nous d'accord. Semaine ça, nous allons dans le registre d'organisation. Côté que l'organisation est légalement, nous avons des maillots pour le faire, nous avons des batchs pour le faire, etc. Et nous avons des cool fin enregistré qu'on l'autre bail qui pour faire, c'est faire élection pour mettre des structures sur pied. Et Jean-Job d'Abdilan, et actuellement c'est Job, Pasteur Gaëtan. C'est eux même plus et Wilton Bossejou, c'est eux même qui plus actif en organisation, mais invite tout l'autre monde qui vient là tout nous gain groupe là ou gain sous groupe là déjà sous canal rencontre ça c'est parce que même groupe là n'invite tout monde qui là pour mettre un jeune world plus actif en dedans parce que là nous pour faire élection pour nous mettre comité sous pied faut mon peut-être faut que mon dit moi-même ta rien dans comité ceci comité cela. Donc pour moi même ce travail là ça que n'a fait le qu'on a comité en fin fête sous comité en fin fête c'est là ça nous va réunir en comité nous pas faire des réunions générales comme ça nous va réunir en comité pour nous mettre stratégie à terre. Nous avons aimé le comité en fin de fête pour nous jouer une stratégie pour nous dire ok, mais qui stratégie qui est plus bon pour nous mener mouvement pour 3 mois qui venir avril, mai, juin. Et puis pour nous dire, mais qui ça l'a coûté? Parce que gon comité, gon sous-comité qui a fait budget, qui a dit ok, si nous allons faire tel bagaille, nous besoin maillot, nous besoin flyers, nous besoin est-ce qu'on t'y mange pour bay? Eh bien, gon comité qui a fait un petit budget qui dit mais qui ça l'a coûté? Et puis quand on a assez l'un fin de budget, nous a dit ok, mais combien nous gagnons localement dans le département? Et puis nous même international là, nous a dit mais combien nous avons mis sous lui? Parce que même j'aime dire structure que m'envisage ya son structure côté que organisation branche département li ka mener mouvement de façon indépendante pour compte li gen moun ki la ki konn ki côté n'blé aller li gen moun ki vle mettre contribution monétaire là dans pour faire aller mais pendant que la mener de façon indépendante nous même dans international dans organisation mère là nous pas quitter pour compte yo côté que nous gardons pour nous dire que si vous avez besoin de 1000 groupes pour faire des bagailles, vous pouvez mettre 500, nous même nous mettons 500 sur lui. Nous avons besoin de 10 000 groupes, vous mettez 5 000 groupes, nous mettons 5 000 groupes sur lui. Donc, c'est une formule qu'on a faire parce que le balai va en côté, il faut que nous répliquions le mouvement dans notre département. Mais en attendant, nous avons un avantage. Nous avons un sud qui a un avantage, c'est parce que c'est seulement dans le sud mouvement qui met les pieds. Ça veut dire que toutes les ressources qui gagnent nous même que nous avons une organisation internationale là, nous ka concentrer tout sous sud qui pral ban nous on force pour nous vraiment avancer avec mouvement. J'aime dire nous actuellement nous même dans l'état moun nan sud dans l'état parce que nous même dans international là nous gen ti rentre ka fait chaque mois. Actuellement là nous gen ti cob que nous disposer pour nous bay moun nan sud mener mouvement. Mais j'aime dire bay là m'pa ta remen c'est nous même dans international n'a ramasser voyer bay sud. Ndare men son bay ka fait 50-50. Moun nan sud mette, men nou menm nan international la, nou mette sou li. Sa ka pèmèt nou ale loin. Men si se seulement moun nan sud ka fèl pou kont yo, la pran tan. Si se seulement nou menm nan international la, tout nou menm ka ramase ko voye Haiti, et puis moun Haiti pa mette, et gen la pran tan. M gen 2 businessmen ka pèmèt ki rele. 2 businessmen. C'est ça que fait m'da conseille nou mes amis. Font gen pour nous mettre structure à sous pied parce que nous ka joine ressources nous ka joine moyen pour nous mener mouvement ça et aller à des fins. Mais deux businessmen qui dit yo même yo prêt pour yo mettre main pour mettre l'argent derrière bah ça parce que bon bagay que nous pas comprendre son mauvais comprendre qui mette dans situation malheureuse en dia Haïti même sous wè grand pile par exemple gros ami qui te fait le cas de moun ki gen et hôtel Bolan Mer qui gen bar restaurant mais si Haïti change demain si Dieu veut si département sud gen santé li gen sécurité li gen route li gen de l'eau pi fò moun ki pral bénéficier de base c'est moun ki déjà gen l'argent parce que moun ki déjà gen l'argent yo c'est yo pral gen plus business nek sa gen hôtel là pral gen 2-3 hôtel ça veut dire son mythe lié dans tête nous. Mais moi même pareil quoi que même si ouais mon n'a fait quoi c'est pas tout monde qui a fait quoi qui t'a rien mérite vivre gens la vivre là gien monde qui t'a rien mais qui a fait quoi là au caï li wel ka sorti donc businessman ça relé me dit moi même yo prêt pour yo mettre quoi pour yo mettre main dehors mais yo besoin ouais leadership yo besoin ouais monde cap organiser yo besoin ouais une structure côté que yo connaît si yo met 10 000 goud yo met 20 000 goud c'est pour bagage qui va le gaspiller. Ça veut dire tout autant que nous pouvons mettre tête nous là pour nous monter structure en dans département n'a toujours une pas ouais ressources pour moi même pas douter est-ce que n'a une cob pas douter est-ce que n'a une ressource nous besoin yo big gros doute moi c'est est-ce que nous même n'a organiser nous vraiment pour pousser mouvement devant pour que l'autre monde ca rentrer là-dedans parce que depuis qu'il y a monde depuis qu'il y a tête ensemble l'argent son blague lié l'a venir après la n'a pas saisi le côté le sorti l'a vini ça veut dire le moment de fin monter structure gain des businessmen moi même personnellement grand pile coup de fil me ka fait gain des businessmen cap d'accord mettre 10 000 goud mettre 20 000 goud même dit mon yo tout qui j'ont vraiment non businessmen dans département pour bord 10 000 goud pour faire mouvement parce que ou même 5 goud ou pas mettre même 10 goud ou pas mettre ça veut dire la charité commence par soi même si nous même qui là nous voulons mener mouvement Et bien, dans la poche, pour nous ne pouvons pas grand pile, mais chaque monde a un bagage quelconque. Si c'est 10 gouttes ou gagné, on peut retirer un goutte là-dedans pour mettre dans le mouvement. On peut retirer 50 centimes. Donc, c'est structure ça pour nous monter. L'un fin et fait organisation, nous monter structure. Hein. Et nous avons commencé, un comité là qui a écrit lettre, nous avons commencé. Vous voyez, moun sa yo, di, mais moi-même, je n'ai pas envisagé, moi, ouais, au lieu que. Et nous prenons le temps pour le mouvement arriver côté. C'est ça qui fait parfois me parler de affaires mensuelles là ou bien chaque trimestre là. Il y a des businessmen chaque mois, chaque trois mois, ils font don. Ils font, comme on dit ça, pour nous pousser le mouvement. Et son mouvement, c'est quantité que pour le faire, c'est volume. C'est pas garder si nous prenons, par exemple, nous avons un businessman qui a 100 000 gouttes. C'est bien. Mais si nous avons 10 businessmen qui ont 10 000 gouttes, c'est plus avantage. Si nous avons 20 qui baillent chaque 5000 gouttes, les pires avantages, parce que c'est une question de volume, c'est une question de quantité. Plus nous avons dans chaque petit coin, quand nous mettons là-dedans, la pire avantage. Donc, et si nous voulons mettre fin aujourd'hui, nous devons faire une présence à tout le monde qui là, pour nous voir qui va les gens qui d'accord les mêmes pour rentrer dans l'organisation, parce que nous avons besoin d'organisation. Et malheureusement, dans pile organisation souterrain, mais pas grand pile là dans vraiment qui à la hauteur ou bien qui ont une quantité même pour t'amener mouvement ça, parce que c'est l'autre façon de faire le côté que si déjà une autre organisation qui te veut mener mouvement, nous te gagnons à dire bon, nous pas besoin de construire une organisation et à la base nous te gagnons à juste servir à l'organisation ça pour mener mouvement pour nous, mais malheureusement nous pas là, donc nous obligés de construire propre structure organisationnelle par nous pour nous amener. Mais il y a deux bagages que je t'ai parlé, je devrais faire un petit passer sur nous, parce que j'ai assez de temps pour nous parler sur lui. C'est quatre membres partisans, yo, que chaque membre partisan dans le département de la 4, nous allons instituer un programme pour que le membre partisan a acheté une série de business, il a montré quatre, yo, business qui d'accord rentre dans la logique, là, il a fait une donation, un petit parti dans le corps que nous avons acheté à l'organisation. Ou ka imagine ou moun a lâché une motocyclette pour 150 000 goud, et bien, si mou kote que vende moto a genou a dit li même, et comme mon partisan vin acheter, la baye organisation 500 goud, la baye organisation 1000 goud. On baye comme ça. Moun a lâché ciment, la lâché gaz nan pompe la genou a dit bon, depuis mon partisan vin acheter là, li même la fait organisation en cadeau 5 goud bagalon ou bien baronne. On baye comme ça. Ça, c'est une façon. Deuxième façon de parler avec Job, il y a une bagaille moi pense qui idéal que nous ka fait pour nous et rentrer l'argent. Moi même je me dis non pas peut-être l'aime dormir même pas douter que l'argent parce que me connais l'argent, gain l'argent dans monde là, gain l'argent dans pays là, gain l'argent depuis gain tête ensemble, gain vision, on côté nous braler l'argent à venir. Mais il y a une bagaille moi nous ka fait, nous gagner et système Haïti côté que monde mettez moto dans contrat. Côté que m'bral motiver en pile mon international là pour nous, qui ça me voulait faire moi même pour même gâcher 10 motos m'a pas menti vraiment moi même m'a mettre griffe moi dehors pour moi c'est un cas mettons changement dans pays mais m'te font calcul avec Job soit chon motocyclette par exemple pour 185 000 goud moi 37 000 dollars m'quel bon 185 000 goud sous mettre le contrat pour 22 mois en tout si l'argent rentré la baou 325 000 goud. Donc qui ça nous a fait et moi même moi chercher mon dans international là pour me dire acheter une motocyclette à Haïti en mettre le contrat côté que organisation a responsable pour l'assurer nous jeune monde de confiance nous bail moto et puis mon a payé contrat le monde a payé contrat maman l'argent a rentré dans bénéfice qu'a rentré a moi l'encourager mon pour moitié dans bénéfice là yo fait organisation en cadeau. Ça veut dire si on a chon moto pour 185 000 goud et puis il t'a pas le fait 100 000 goud bénéfice sous lui et bien 50 000 goud là-dedans la fait organisation en cadeau. N'ta dit job ça si on prend un petit temps pour nous mettre structure ça sous pied. On dit nous ça moi même et pas parole en pas nous gagne là pas connait même l'aime dit on bagaille. On pas dit ça me pas ca faire. Moi même pourquoi même acheter 10 motos dans 3 mois qu'a venir. Côté que si une organisation ka gérer nous ka jwenn monde de confiance entre 18 communes moi ka moi même pourquoi même ka acheter 10 moi gen zanmi moi ka faire acheter une deux nous ka mettre si gen 50 motos 100 motos et mais si nous ka mettre une structure sous bien gérer imagine nous si sou chak moto par exemple, mba kont si konmen benefis ou moun ka fe sou moto, alo metel nan kontra. E, men si moun nan dako ou fè organizasyon kado, mwatiye nan benefis la, just fè ti kakil lan sep, ki va le kop nou ka jwen an dan organizasyon nan departman pou mene mouvman an atan nan. Pendant se tan ke mam yo ap toujou kontribye, pendant se tan ap toujou kontakte businessman nan departman pou mete men, pou mwen men, mpense, ou mouvman kon sa, si nou pren tan nou, nou pren san nou, l'ajan pou men lan, nou pa pa jen kantite kantite l'ajan men, nou ka jen le minimum pou nou fè ma yo, mette moun de yo, fè on se de aktivite, mwen men se nan sa mkwe. Mwen men se nan sa mkwe, e mwen te kwe tou, e l'ajan pa obije sot un sel kou, un sel poche. Mem jen international la ka mette, an dan departman, disov le bagay yo difisil, bagay yo di, men tout moun gen kop. Kantite a son bagay. Donc, an mette, bon men, se denye intervensyon la pou le sa, mwen al pase mi kwa avèk e job avèk Pastor Gaëtan pou nou mette fin. D'accord. Donc, d'accord. Merci. $27,400 ou achon motosiklet ki pral nan taksi. E ou li de 37 konmen $1,000 ou ni ali vann $27,400. Alors sa se ou informasyon ke mde le fel konen. Ok, mersi boku, mersi. Nap gen chans pran plis e opinyon sou afe moto a sou kat la, an fokus nou sou kesyon komite. Mban se nou pral mette fin, jan mde di nou se te jist ou ide pou monte nou sak ka fet, men an fokus nou sou kesyon monte komite ya, eske gen lop moun la, eske gen moun ki gen rezerv, pase men men nan ba mtare men fe, panan nan mouvman sa ma pren an pil bagay. Gen moun mwen jwen, ki jist dim, mwen chou kon sak pase, e mba enterese. Moun sa yo, mwen plus respect pou yo ke moun ki dim ke yon enterese, men lò fini se kom si son chak sak pou fèt, se kom se supli yo ap supli yo moun nan. Mwen mtare, men si kon moun ki kon rezerv ou kon non pap la, ko pa kom si mda djou ese kenbe ba la pou ban nou fòz espoi nan sos. Men tout moun ki la, mwen suppose sou ka fè yon et tan et mi la, m suppose kou la, kou son bare ki enterese ou ta reme we. Donk, e, Job, m pense li fè le pou nou mette fin, eske gwen lot bare ou vle ajoute? Pase pou mwen, jem de di rezume jodi, an, se fin monte komite, ya nan pochen renkont ki se prezante e jwen moun pou nan registre organizasyon, an, nan pochen renkont ki ap fèt la, fok nou ka vin di moun yo, un, organizasyon registre, pase gwa etan, mwen pale we. Bonsoir, mwen salye tout zanmi fidèl ki sou panel la, kap tande nou e zanmi ki esi prezant avèk nou la, nan rakont la. Non, mwen se Théodore Bielchard, mwen se ingénieur civil de profesyon. Mwen juste pote yon ti koreksyon nan sa koleg la sou di dan lè a. E sa pral depan de ki motosiklet ke nou men nou vle achete. Jan ki ou te di a, li pa normal kom se pou nan fokalize sou kestyon men de vehikul kon ya. M panse ke gagner plus de travail que nous avons besoin de faire que focaliser sur le dossier motocyclette là. Ça qui était intéressant, dans le niveau que nous avons parlé de l'État, l'État fédéral, c'est-à-dire l'État alimenté pour nous redéfinir, il y a des éléments qui sont dans la structure, côté que pour nous mettre plus accent sur l'eau. Comme étant donné que c'est la grande première, nous n'avons pas qu'à faire ça ou le comité en ligne. Comme si nous venons un élément qui est fiable. Lorsque présence toute monde qui fait partie de cette structure-là, ils présenté et ils ont baillé point de vue, je pense que la parole de Jean-Bibel, la plus intéressante. Et chaque monde qui est là, il gagne une idéologie parle. Les gagnants pour une ville, les capables de bailler. Alors, c'est ça que fait moi-même. Moi, je fais une petite intervention tout court, même pas les mêmes qui aiment bien notre groupe. Dans la prochaine rencontre, je pense que il y a plus de paroles qui peuvent parler. Merci beaucoup. Merci. Hey, désolé, ma promotion. Suite avec l'intervention collègue là, ce que fait là. Et je pense que dans l'autre rencontre, nous avons besoin plus et précis sur les points. Il faut que nous assurions tout et il y a des gens qui peuvent colométrer leur intervention d'une façon pour nous assurer que ça nous a fait pour nous capables d'aller dans le sens où nous devons aller. Si nous prenons une heure, dans le point du jour, nous tout mentionnons. Et puis, même que nous avons 10 minutes pour question d'intérêt général, nous sommes capables de le quitter dans la dernière minute. Même penser en un mot, nous avons choisi de dire clair. Et nous prenons trop de temps, je dis. Nous prenons trop de temps, je dis. Nous prenons trop de temps, je dis. Nous prenons trop de temps, je dis. Et nous prenons. Des présentations, après présentation, et chaque monde est capable de partager un débat. Et il défoule pendant 7 minutes. Après ça, nous sommes capables de tout. Et les points qui vont quitter dans le prochain mouvement, dans le prochain mouvement, nous sommes capables de préparer avec tout confort. Et suite avec l'intervention de notre collègue qui fait le dossier motocyclette là, même penser et sur ligne que nous prenons, l'idée que nous gagnons et investir dans la motocyclette et pour nous mettre en contrat pour chauffer taxi 7, moi même penser qu'il y a une idée qui est capable de plus correspondre avec Wall organisation. Pas oublier, nous que nous avons été liés à l'État choisi qui est une forme de développement nous avons voulu aller. Je pense que l'idée acheter moto, faire un investisseur acheter moto, mettre un taxi, je pense que ça, pour moi-même, l'idée n'est pas une bonne idée parce que le développement n'est pas quoi là, nous allons aller avec. Et je pense que dans ce groupe-là, nous avons plusieurs cadres. Nous avons un ingénieur qui est venu et nous avons plusieurs cadres dans ce groupe-là. Je pense que nous avons plus. Alors, c'est pas permettre de tout ça, collègue qui te fait intervention sur motocyclette-là, mais développement, nous voulons aller. Je ne suis pas sûr que c'est là. C'est un point ça pour nous commencer avec parce que nous avons. Des initiatives, nous sommes capables de prendre, nous sommes capables de projeter vers les investisseurs, des projets, nous sommes capables de projeter vers les investisseurs, que nous-mêmes, nous sommes capables d'aller vers les mêmes au lieu d'achat de motocyclette pour nous mettre dans le taxi. Et je pense que nous pensons à l'autre bagaille. Bonjour, Job. Oui, oui. Alors, nous comptons pour l'intervention, et Léa est finale, puisque l'intervention est longue. Et je pense que c'était important, puisque il y a des gens qui ont demandé et pour redéfinir l'orientation pour nous, on fait ça, et ça fait une intervention longue. Et donc, prochaine réunion, on ne peut pas plus longue, bon ça, elle va pas aussi longue, et on a tout chronométré le tout, et puis à bon ordre du jour qui est bien défini. Donc, quoi que avant, juste avant que nous fassions, nous projetions l'autre rencontre, nous avons défini l'ordre du jour là, qui s'en a fait là-dedans, et puis, et nous avons souhaité tout que plus de monde qui vient présent. Donc, moi, avant encore les réunions qu'on demande la parole, nous allons mettre des fins, bah, on est, si là, si, parler de l'autre, yeah. Mon cher, je ne connais pas si c'est moi-même qui m'attendais. Je me souviens dans l'approche motocyclette là, Ralph te dit, donc là, je vais regarder dans les mesures possibles pour que y ait des gens qui ont des cartes. Maintenant, si on monte son motocyclette là, acheté, si on monte ses ciments là, acheté, si c'est mon gaz là, le fait. Maintenant, propriétaire, business ça, dans ça, acheté, là, bien, bien, mais qui ça l'a baille comme don? À fondation. Ou même c'est ça me t'étant des approches, mais causer comme si nous t'étais nous voilà acheter motocyclette par contrat, me pas songer me t'étant dans bagage comme ça. Oui, c'est ça le l'intervention c'était ça. Excusez. Oui, donc les causer nous a dit et contrat me penser que fondation pas gagner ça comme plan et puis discussion ça va faire. En général, toute première rencontre toujours passé comme ça, de manière générale, mettre précision sur généralité. Ya. Donc, rencontre ça, l'été doit effectivement une rencontre de prise de contact et de connaissance, mais venir là sans que Ralph fait approche là, me paraît avant, l'été pral un petit peu difficile. Ça n'a pas une première rencontre, c'est une première rencontre officielle, mais le fait que nous avons un groupe là, nous avons des discussions, des approches qui ont fait, maintenant, ça, ouais, que fait là, c'est tout ce qu'il faut. Maintenant, on l'autre fois encore, moi, on va remercier Job et Gaëtan pour courage, pour dévouement, pour niveau que nous avons arrivé avec mouvement. Et on l'autre fois encore, de manière spéciale, moi, mettez chapeau pour Ralph qui, lui-même, dès le début, il était dit, ça me disait, tu t'entends, pas fatigué. Donc, 6 ans, il dit ça. Donc, c'est parce que le connaît, il est capable de nous, il est capable d'avancer, m'a intéressé avec ça. Donc, moi, content de gagner des gens Haïti qui, style motivé, même bien avec moi, pour que je garde dans le nouveau contrat, ça, comme un cas inséré, pour permettre à ce qu'on allait mieux. Maintenant, merci à chaque ami, eux-mêmes qui fait le déplacement, qui est venu en présentiel, et nous souhaitons, next time, gagner plus de monde en présentiel. Et merci également à Silayo qui était derrière téléphone, qui nous connaît dans le moment, qui a rencontré pour aller, qui s'est mangé avec la famille, qui s'est dit ces dates. Donc, qui consacre un petit moment ça pour que vous regardez comment vous êtes capable de faire une contribution par vous. Donc, l'autre fois encore, monsieur Damo, remercie nous. C'était Agonam Wilgens Rancol, donc membre et Fondation Baptisant Haïti à l'échelle internationale. Merci tout le monde et bon dimanche et bonne semaine. Merci à vous, Vancol. Alors, nous avons un bail à ajouter. Le groupe là pour nous parler et toute parole. Je pense que si toute femme qui est intéressée sur le groupe là, il y a des points de prendre aujourd'hui, on va aller plus loin. Et troisième point de prendre, mais je pense que pour l'endroit faire communauté, on a tout fait, toute approche. Et nous disons merci parce que vous êtes présents. On va passer à Gaëtan pour le dernier mot. Eh bien, encore une fois, moi, content, moi, capable, là, et moi, un gros coup de chapeau pour chaque monde qui était en présentiel ou en distanciel, qui a assisté dans le ça. Soit à Chambato, Lavache, Campéren, Maniche, et Saint-Jean-du-Sud, et puis dans la ville de Caille, qui est avec nous là. Eh bien, moi, je dis bravo, merci beaucoup. Tout ça, le commencement. Et bien, pour le faire, c'est dans le moment où nous vivons pour le faire. Et nous remercions également pour vous faire une maison, ça, qui a accueilli notre hospitalité, pour nous être capable, la Caille de Jodia, pour nous faire comme ça. Nous voulons beaucoup de chavos pour lui. Et nous espérons que ce n'est pas la dernière. Et c'est une première, mais ce n'est pas la dernière. Et que nous continuons à avancer pour nous être capables de faire la transformation de la société. Merci. Bon Dieu bénisse nous toutes. Et nous aimons la vie.